à la hi danse, fini balance. Il faut me dire où, qu'importe la façon où les habiller. Même pas maquillé, il fait à moi toujours le même effet. Mon cœur à la hi tremble, mon cœur à la hi danse, fini balance. Où les mon soleil, c'est que tous les jours m'y pense, mon lumière. Don't